France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Je ne suis pas tout seul, car eh bien, c'est une pluie de comédies musicales qui nous attend cet automne à Paris. J'en ai compté pas moins de 20 d'ici Noël, du jamais vu. Alors ce matin, pour cette journée du patrimoine, portes ouvertes à Radio France, où le studio 106, je dois dire, affiche complet. Bonjour messieurs, dames. Eh bien ce matin, nous prenons le contre-pied sur la 42e rue, le quartier de France Musique, consacré chaque dimanche matin à la comédie musicale, avec des créations qui, nous l'espérons, entreront très bientôt dans le patrimoine de la comédie musicale en France. Ce matin, nous sommes ravis de recevoir deux troupes de spectacles qui auront pour particularité de se jouer à Paris avec un ou plusieurs musiciens sur scène. L'une a fait le plein cet été au Festival Off d'Avignon et sera en février tous les soirs à l'affiche du studio des Champs-Élysées. L'autre est encore en pleine répétition et se dévoilera vendredi à la salle Gaveau. Je vous propose d'accueillir la troupe d'Oliver Twist, la comédie musicale, et la troupe de 31, une comédie musicale de Stéphane Corbin, Stéphane Laporte, Gaëtan Borg, avec ce matin, pour nous, en direct au studio 106, Valérie Zacomer, Carole Defitte, Alexandre Fetrouni, Fabien Richard, et au piano, le compositeur Stéphane Corbin. Alors, le 31, pourquoi le 31? Ça s'appelle comme ça. Eh bien, parce que ça se déroule, ce spectacle, mis en scène par Virginie Lemoine, qui est également là. Ça se déroule lors de plusieurs réveillons du 31 décembre. C'est la fin d'une année, c'est encore un 31. À tourner, c'est encore un 31. On repart à zéro et tout va s'arranger. Ce petit numéro va suffire à tout changer. Le bonheur et surtout la santé. Faire le guet sous le gui et finir l'année tout seul. Je picole, je languis au milieu des gens qui gueulent. Dès la fin du dîner, j'ai le même goût amer. De bouteilles. Faut que j'appelle ma mère. On mijote son suicide en mangeant du foie gras. Il y a encore du foie gras. Il y a toujours du foie gras. C'est la fête aux lipides. Et à qui m'embrassera? Et à qui m'embrassera? Il y a encore du foie gras. Serpentin, cotillon et nos années en l'air. C'est la même dépression que tous mes anniversaires. Encore un 31. J'ai le même goût amer. C'est la fin d'une année, c'est encore un 31. Quatre amis, des pizzas et notre histoire en commun. Avec eux, minuit sonne et je n'écoute pas. Avec eux, ces soirs-là sont nos meilleurs 31. Encore un 31. Encore un 31, premier extrait de cette comédie musicale de Stéphane Corbin, je vous plante le décor. Quatre personnes sont réunies un soir de réveillon à quelques minutes de l'an 2000. Alors sur le piano, Stéphane Corbin est sur scène, le compositeur, un calendrier indique 31 décembre 1999. Ils font la fête, mais on voit bien que ça dérape. Celui en costume ne veut pas boire. Une des jeunes femmes qui s'appelle Stéphane est peut-être médecin de garde, en tout cas elle a toujours un beeper avec elle. L'autre femme, dès qu'on lui parle, elle change de prénom. Et enfin, un autre quitte le salon énervé. On s'engueule à propos d'un bébé qui pleure. On parle du bug de l'an 2000. L'un d'entre eux, avec un projecteur, annonce un diaporama. Alors on comprend qu'ils se connaissent depuis longtemps, qu'ils ont toujours passé leur réveillon ensemble. Et on va découvrir leur histoire, ce qui les relie, en découvrant un à un leur réveillon précédent. C'est donc un spectacle à l'envers que cette comédie musicale où le spectateur doit recoller les morceaux. Alors comme second extrait de 31, je vous propose du coup la fin du spectacle. Prélude. J'attendais la fin. force. J'attendais d'être sûr. J'attendais l'armure. J'attendais toujours. J'attendais demain. J'attendais en vain. J'attendais d'être grand. D'avoir un enfant. J'attendais qu'il me voie. Pour être enfin moi. Je rêvais de toi. J'attendais encore. Sans voir que j'avais tort. J'attendais aussi. Que tu sois endormi. J'attendais ma vie. C'est jamais la bonne heure, la bonne année, la bonne humeur. C'est jamais la bonne météo, la bonne chanson à la radio. C'est jamais là où je voulais, c'est jamais là où il faudrait. C'est jamais moi. J'ai tellement attendu qu'il vienne à moi la main tendue. Tellement de temps sans trop savoir si je devais encore y croire. J'ai attendu une fois pour toutes le bon prénom, la bonne route. J'ai attendu qu'on me délivre des jours passés à ne pas vivre. J'ai attendu comme tant de gens que s'accomplisse un rêve d'enfant. J'ai attendu quoi? Aujourd'hui j'ai trouvé ta main. Je n'ai plus peur de rien. Aujourd'hui je suis qui je suis. Et si je change, eh bien tant pis. Aujourd'hui m'offre la promesse d'une longue histoire que rien ne presse. Aujourd'hui le soleil se lève pour éclairer de nouveaux rêves. Aujourd'hui on va changer d'air, tout en changeant de millénaire. Et demain, et demain, c'est enfin la bonne heure, la bonne année, la bonne humeur. C'est enfin la bonne météo, la bonne chanson à la radio. C'est enfin là où je voulais, c'est enfin là où il fallait. C'est enfin nous. Valérie Zakomer, Carole Defitte, Alexandre Fetrouni, Fabien Richard, un second extrait de cette comédie musicale qui s'appelle 31, au piano et à la composition. Stéphane Corbin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin sur France Musique. Grand plaisir. Racontez-nous l'histoire de cette comédie musicale, comment elle est née? À la base, j'ai monté à l'époque des manifestations contre le mariage, mariage pour tous. J'ai monté un projet qui s'appelle Les Funambules, qui est un double album qui rassemble plus de 130 chanteurs, en tout 400 artistes, tous bénévoles, parce que c'est un projet caritatif. Et c'est un projet qui raconte tout un tas de destins homosexuels à travers vraiment des histoires les plus diverses possibles. Et très vite, évidemment, le milieu dans lequel j'évolue depuis des années, c'est la comédie musicale. J'y travaille beaucoup. On se rappelle notamment de l'Hôtel des Roches Noires, qu'on avait beaucoup aimé il y a 3 ans. Et très vite, j'ai demandé à Gaëtan et à Stéphane Laporte de penser une trame autour de ces chansons. Parce qu'il y avait un esprit de comédie musicale. Il y avait quelque chose de très théâtral dans le projet des Funambules. Et voilà, et puis après ça a été dans leurs mains et c'est eux qui ont écrit cette merveille. Stéphane Laporte, bonjour. Bonjour. Gaëtan Borg aussi, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît Stéphane, il y a quelque temps vous étiez ici pour une carte blanche. Vous êtes adaptateur de nombreuses comédies musicales, du Roi Lion à Hairspray. Gaëtan, vous êtes acteur surtout, moi je me rappelle, vous étiez venu ici parce que vous jouiez dans Avenue Q. À partir de là, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, une fois que Stéphane Corbin vous dit, ben, à toi le bébé? En fait, je crois qu'on avait très envie de travailler avec ces gens-là. Et on a un peu écrit le spectacle un peu sur mesure pour eux. Pour les acteurs, vous voulez dire? Oui, absolument. Ah, vous saviez déjà qui allait jouer? Oui, oui. Voilà. Et en fait, on a eu envie de raconter une histoire d'amitié, avant tout. Et l'idée de raconter une suite de réveillons, mais à l'envers, est venue très rapidement, en fait, pendant un dîner passablement arrosé. Et donc, à la fin de ce dîner, on avait déjà décidé qui y aurait dedans, quel serait le concept de la pièce et un petit peu comment s'imbriqueraient les chansons aussi. Certaines chansons étaient déjà d'emblée dans le spectacle. Oui, après, voilà, on est passé au choix de chansons, des Funambules, des chansons qui étaient assez neutres, c'est-à-dire sans nom de personne, pour pouvoir être intégrées dans une histoire, en fait, et voilà. Et puis très vite, ça s'est transformé. C'est-à-dire que ça part des Funambules. Dans les Funambules, il y a 40 chansons. Mais très vite, en fait, il reste que la moitié des chansons qui viennent des Funambules. Puis on a écrit des chansons originales pour le projet. Oui, c'est ça. Il y a eu des lectures. Oui. Et je crois qu'il y avait eu une lecture l'an dernier. Et une lecture, racontez-nous un petit peu le processus. C'est toujours intéressant comment on crée une comédie musicale. Faut montrer au public avant de savoir ce qu'on fait avec. Non seulement montrer au public, mais tester un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Et là, en l'occurrence, il y a des choses qui nous sont apparues évidentes. Et qu'il a fallu restructurer après dans une réécriture. Ça a été très très enrichissant de faire ces deux lectures. À partir de là, Virginie Lemoine, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue ce matin aussi sur France Musique. Plaisir. À partir de là, comment on fait, vous, la metteuse en scène ? Eh bien, il n'y a pas de moyens. Alors, voilà, on hérite d'une pièce magnifique avec des comédiens et chanteurs absolument formidables. Et puis on lit, on voit qu'il y a 13 changements de décor, on est un peu affolé. On se dit, bon, on va y aller tout doucement. Ce que j'avais dit aux auteurs, en tout cas, c'est que je trouve que la forme est contenue dans la matière. Et il y avait déjà, je trouve, dans ce que avaient écrit les deux, Stéphane et Gaëtan, il y avait déjà beaucoup d'humour et énormément d'émotions et d'humanité. Et voilà, alors apprendre à travailler ensemble, j'ai eu la chance de les avoir comme assistants la mise en scène, et on a travaillé vraiment en bonne intelligence, et puis on a développé les personnages, et puis chaque soir, eh bien je me demandais quelle proposition je pouvais faire le lendemain, en tout cas au-delà du jeu des comédiens, déjà de la scénographie, comment faire pour changer de décor. Et je pense qu'on a eu vraiment la chance d'avoir peu de moyens, et donc ça a décuplé notre imagination. Je dois dire, je l'ai vu donc au 20e théâtre en juin dernier, et j'étais absolument bluffé par effectivement la magie qui sortait de ces très peu de moyens, avec quelques placards, quelques tables, vous arrivez à planter magnifiquement le décor. Alors, on va entendre une chanson qui est Stéphane Laporte et Gaëtan Borg, vous les auteurs, vraiment typique de la comédie, d'une comédie musicale, c'est une scénette. Complètement. Vous pouvez nous la présenter, cette chanson qu'interprète Alexandre Fetrouni, en quelques mots ? Et le reste de la troupe. Hein. Et le reste. Ils sont là tous les quatre. Bien sûr. C'est un petit peu une parenthèse qui raconte en 3 minutes le parcours d'un garçon homosexuel depuis ses 20 ans jusqu'à la mort. Et donc, à travers des étapes, un petit peu, hein, des petits passages obligés. Valérie Zakomer, Carole De Fitt, Fabien Richard, au piano Stéphane Corbin, et donc ce jeune adolescent au départ, si je comprends bien, Alexandre Fetrouni. Ah, il a 20. Ah, il est enfant ans, carrément, 10 ans. 10 ans. J'ai 10 ans. Maîtresse, maîtresse, je voulais vous demander si à la prochaine récré, eh bien, je peux me déguiser juste pour rigoler. Coralie me les a prêtés, sa couronne et sa baguette et son costume de fée. Maîtresse, maîtresse, puisque vous avez laissé Renaud et puis Timothée se déguiser en pompier juste pour rigoler, moi je veux me mettre en fée. Oh, s'il te plaît, maîtresse, Coralie m'a prêté. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mon chou tu vas morfler, mais fais ce que tu veux, c'est toi qui sais le mieux, si t'as pas peur des bleus, tu fais ce que tu veux. J'ai 20 ans, papa, maman, est-ce que j'ai la permission pour le prochain réveillon de venir avec Simon? Vous pouvez pas me dire non, son père aussi vient de Lyon, et en plus il est très fort pour découper le chapon. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, ça va tuer ta grand-mère, mais fais ce que tu veux, c'est toi qui sais le mieux, c'est entre toi et Dieu, tu fais ce que tu veux. J'ai 30 ans. Allô Jean-Marc, je voulais voir avec toi une demande qu'on m'envoie, une interview sur l'emploi. Ils veulent que je parle de moi, mais je m'en remets à toi. Peut-on dire je suis pédé au journal des Fers 3? Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, notre action va chuter, mais fais ce que tu veux, c'est toi qui sais le mieux. Vive les sujets scabreux, tu fais ce que tu veux. J'ai 40 ans. Notez madame sur la demande de crédit. C-H-A-B-A-N-I, c'est le nom de mon mari. J'ai bien dit mon mari. C'est pas légal, ben tant pis. Vous étiez moins regardant quand vous prêtiez aux nazis. Moi j'ai prêté aux nazis. Non, pas... Moi j'ai... Vas-y, mets la musique. Ah, vous faites ce que tu veux. Vous faites ce que tu veux. Vous aurez pas votre fait, mais faites ce que tu veux. C'est vous qui c'est le mieux. Si c'est pas malheureux, vous faites ce que tu veux. Saint-Pierre, il est pas là. Ah ben dis donc, je regrette pas toutes mes séances de yoga. Mais alors dans ce cas-là, si je me trompe, dites-le moi. J'ai une réincarnation qui me tendrait les bras. Choisis ce que tu veux, choisis ce que tu veux. Pour ta nouvelle vie, choisis ce que tu veux. C'est toi qui sais le mieux, ce qui te rend heureux. Choisis ce que tu veux. Je pourrais être une fée. Karine Deuxième Rue sur France Musique. Laurent Vallière. En direct des studios 106 avec la troupe de deux comédies musicales. Et ce matin, on commence cette émission avec la troupe de 31, la très belle comédie musicale de Stéphane Corbin, Stéphane Laporte, Gaëtan Borgue. À l'instant, donc, c'était Alexandre Fetrouni que vous avez peut-être vu, vous vous en rappelez, dans Frankenstein Junior, dans La petite fille aux allumettes, dans La Belle et la Bête, dans Love Circus. Et maintenant, place à un personnage différent. C'est une chanson poignante dans le contexte de la pièce. Elle s'appelle Victoire. Bon, c'est celle qui n'arrête pas de changer de prénom. C'est pas vraiment en fait si elle s'appelle Victoire, mais peu importe. Elle part à un congrès sur le sida. On est dans les années 90, lorsque la maladie fait des milliers de morts. Et c'est à son tour maintenant, en tant que bénévole, de s'avancer à la tribune. En fait, son discours, c'est une chanson. Chers amis et leurs amants, quel putain de temps pour les cœurs candides ouverts à tous les vents. Chers compagnons, chers copains, quel foutu destin interdit d'aimer de trop près son prochain et m'oblige à vous parler de si loin. Chers amis des jours passés, si vous m'attendez, sous quel arc-en-ciel irai-je vous retrouver? Quand mon heure aura sonné son tout dernier coup, sous quel arc-en-ciel aurons-nous rendez-vous? Frères de cœur et chers copains, quel chaos soudain vous a mis six pieds sous terre pour trois fois rien. Quatre initiales assassines ont signé leur crime et changé la donne de nos élans intimes. Transformer l'amour en un champ de mine, triste anniversaire où vous ne viendrez pas pour fêter la fin d'une drôle de guerre sans armes et sans soldats contre un adversaire d'ombre et de chair endormi dans vos bras. Si la nostalgie de nos années-lumière s'éteint jamais jusqu'au dernier jour, chers amis de poussière, je garderai tous mes souvenirs inconsolables et gais. Chers amis du temps passé, si vous m'entendez, sous quel arc-en-ciel irai-je vous retrouver? Sous quel arc-en-ciel irai-je vous retrouver? Sous quel arc-en-ciel irai-je vous retrouver? Sous quel arc-en-ciel? Valérie Zakomer, bonjour. Bonjour. Bonjour Carole Defitte. Bonjour. Bonjour Alexandre Fetrouni. Bonjour. Et où est-ce qu'il est Fabien Richard? Il a un micro. Bonjour. Racontez-nous, une comédie musicale écrite sur mesure pour vous, comme disait Stéphane Laporte, ça veut dire quoi? Il vous a regardé faire dans la vie de tous les jours et ils sont inspirés de vous pour écrire ces personnages? Je crois qu'il nous... Fabien Richard. On se connaît depuis longtemps maintenant et ils nous ont vus... sur main plateau. Je pense que ça les a inspirés. Oui, on se connaît un peu dans la vie, mais... Alors, quand ils nous ont dit ça, on a fait... Valérie Zakomer. Ouais. Mais en fait, bon, les auditeurs ne sont pas censés savoir. Il y a beaucoup de comédies musicales qui suivent ce processus. Il y a des workshops, comme on dit, des ateliers. Mmh. Et puis, si je comprends bien, les acteurs apprennent des rôles, apprennent des chansons. Et puis des fois, ça n'aboutit pas, quoi. Et c'est, tout ça, c'est bénévole, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez accepté? Oui. Il y en a beaucoup qui aboutissent pas, ces projets. Alexandre Fetrouni. On s'embarque d'abord pour, comme disait très bien Stéphane Laporte, pour travailler avec des gens. Et là, et c'est vrai qu'ils ont formé une équipe avec qui on avait envie de travailler. Et on s'est embarqué là-dedans, d'abord sur une lecture en se disant, bon, bah, on verra où ça va aller. Effectivement, il y a beaucoup de très belles lectures qui ne sont pas après produites parce que c'est compliqué. Mais là, on a eu la chance d'avoir des gens derrière nous, c'est vrai, qui ont cru à ce projet et qui sont embarqués depuis le début avec nous. Et donc, c'est beau de voir ces projets aboutir là, parce qu'ils viennent de la part des auteurs et de nous, du cœur, quoi. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Mais ça implique quoi à un comédien lorsque vous investissez comme ça sur un projet? Donc, encore une fois, bénévolement, sans savoir si ça va même un jour servir à quelque chose, enfin, entre guillemets. Hein. Je pense qu'on fait pas ça. Alexandre Fetrouni, oui. On fait pas ça en se disant que ça va aboutir spécialement. On se dit qu'on a envie. Et là, on crée les choses pour pouvoir montrer un maximum. Mais c'est avant tout voilà, une envie. Carole Le Fidon. Oui, c'est ça. Je pense que tout d'un coup, il y a eu un coup de cœur sur ce projet. Et que quand on a la chance dans ce métier d'avoir un coup de cœur pour un projet, une équipe, ben, faut y aller, quoi. Alors, est-ce que, du coup, comme vous avez les auteurs avec vous, ce sont des créations, est-ce que vous leur donnez, au cours des répétitions, des répliques, que vous leur suggérez des choses? Non. Fabien Richard. Stéphane Laporte, vous pouvez on les a harcelés. Ce qui était... Je dirais pas que ça a été un travail collégial, quand même, mais non, ils ont été très, très créatifs pendant les répétitions. Ah bon, c'est-à-dire? Énormément. Bah, ils ont eu beaucoup de... Virginie. Ils ont eu beaucoup de propositions, pas toujours valides, mais de textes, dans les paroles, dans quoi? Dans tout. C'est une manière de dire qu'on a été chiants. Non. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait pour une fois, les auteurs étaient là pratiquement tous les jours avec Virginie et nous. Et d'habitude, on déteste ça. Il y a même des metteurs en scène qui disent non, je veux pas les auteurs jusqu'à 3 semaines de répétition, parce que forcément, on change, on crée quelque chose à partir de texte. D'abord, il y a un texte. Après, il y a ce qu'en font les comédiens, les metteurs en scène, etc. Et là, c'était génial parce que ils sont super sympas. Non, ils sont très souples et tout le monde allait dans le sens du projet. Et il n'y avait pas du tout, il n'y a pas eu de tiraillement de dire, ouais, moi j'aime pas cette phrase. On disait, moi cette phrase, j'ai du mal à la dire. À ce moment-là, ben, on travaillait, soit le comédien adapté, ça voulait dire que lui, il était un petit peu à côté, ou à ce moment-là, l'auteur disait, ben oui, comme ils ont écrit ça pour nous sur mesure, c'était génial, quoi. Du coup, effectivement, on a vraiment fait un travail de groupe, hein. Je mens pas, Virginie, en disant ça. Non, absolument. Et c'était vraiment très, très productif et très agréable. Oui, pour Virginie Lemoine. Moi, c'était absolument formidable. Je crois que c'est la première fois, en tout cas, j'avais mis en scène une diva sarcelle que j'avais écrite, mais vraiment, ce qu'on peut appeler purement le théâtre musical, en tout cas, c'est la première fois que je m'y frottais. Et c'était très impressionnant au départ pour moi, et c'était extrêmement fluide. Je dois dire que vraiment, ça casse un petit peu les cases dans lesquelles on a tendance à enfermer les gens. On peut être d'excellents chanteurs, d'excellents interprètes et d'excellents comédiens, vraiment de très haut niveau. Et c'est leur cas à tous les quatre, et c'était facile. C'est vraiment la qualité de ce spectacle, je suis d'accord avec vous, Virginie Lemoine. Alors on va écouter une chanson qui avait été, c'est une des chansons que Stéphane Corbin a écrit pour le double album, Les Funambules, qui est sorti il y a un an, et qui a été intégrée dans le spectacle, ça s'appelle L'Aveu, et c'est interprété par le personnage qui est joué par Fabien Richard. Thank you. vient de la nuit, mon amour. Des années, je n'ai pas compris qui j'étais, pourquoi j'aimais ainsi. Je viens de la gêne, du silence, des mots étouffés de l'enfance, d'une terre de sourde violence. Aujourd'hui, tout est plus facile. Le monde est-il moins imbécile? Ou ai-je seulement le cœur moins fragile? Sur ta bouche, je pose mes secrets. À tes pieds, je foule le passé. Dans tes yeux, j'apprends à oublier. Aujourd'hui, je marche avec toi. Je vis, je vieillis avec toi. Un mariage, des enfants, pourquoi pas. Je ne rêve pas d'une vie différente, juste d'une vie qui m'enchante, avec l'homme que je sers contre moi. Aujourd'hui, tout est plus facile. Le monde est-il moins imbécile? Ou ai-je seulement le cœur moins fragile? Fallait-il en passer par là pour aujourd'hui avoir le droit de m'endormir en paix dans tes bras? Fabien Richard, en direct au studio 106 de France Musique, sur la 42e rue, qui aujourd'hui reçoit deux troupes de comédie musicale. On termine cette première partie avec la comédie musicale 31, que vous pourrez découvrir à partir du 3 février, tous les soirs, au studio des Champs-Élysées, avec un nouvel extrait, un nouveau quatuor qui s'intitule « Ceux qui nous aident à mourir » au piano Stéphane Corbin. Non, à sourire. Ah ben, ça c'est incroyable comme lapsus. Je vous remercie de m'avoir repris. Donc on reprend, on coupera au montage avec un nouvel extrait qui s'intitule « Ceux qui nous aident à sourire ». Le jour où l'on se perd, où l'on ne sait plus rien, quand les mots sont amers et le bonheur ancien, on sait vers qui aller, vers ceux qui nous aident à sourire. Nos hontes et nos faiblesses, nos heures compliquées, nos deuils et nos tristesses, rien à leur expliquer. On sait vers qui aller, vers ceux qui nous aident à sourire. Quand on est désarmé, qu'on ne sait plus traduire l'orage en ciel d'été, la colère en sourire, il y a les yeux malins de ceux qui nous aident à sourire. Ces gens qui nous aident à sourire, ceux qui nous aident à sourire. Quand on dit tout va bien, le regard un peu fixe, qu'on prend un air serein en se gavant de Twix, ils seront toujours là, ces gens qui nous aident à vomir. Quand on se croit enfin seul, tout au fond de son lit, à faire une drôle de gueule en revoyant Bambi, ils seront toujours là, ces gens qui nous préparent un kir. Quand on sent le besoin, quand il paraît urgent de nettoyer les joints avec une brosse à dents, ils seront toujours là, avec une dose de mini-mire. Ces gens qui nous aident à sourire, ceux qui nous aident à sourire. Ceux qui nous aident à sourire, Valérie Zacomer, Carole Defitte, Alexandre Petrouni, Fabien Richard, au piano le compositeur Stéphane Corbin. L'album est sorti, si je ne me trompe pas, il est dans tous les bons bacs et le spectacle est à découvrir à partir du 3 février au studio des Champs-Élysées. Et puis vous pouvez aussi retrouver Stéphane Corbin et les Funambules dès cet automne, car Stéphane Corbin propose une version concert de ce double CD avec quelques-unes des chansons et bien d'autres, quelques-unes des chansons de 31 et bien d'autres encore. Donc vous pourrez retrouver, oh je vais y arriver, ce concert, Les Funambules, c'est chaque lundi au studio Héberto et c'est à partir du 3 octobre à Paris. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Seconde troupe de comédie musicale en direct ce matin sur le plateau de la 42e rue. Seconde création, seconde comédie musicale qui se jouera sur scène chaque soir avec de vrais musiciens. Ce matin, on a un seul musicien, mais c'est le compositeur au piano, Shai Alon. Oliver Twist, c'est le spectacle dont nous allons entendre de larges extraits maintenant. Une nouvelle adaptation en comédie musicale du roman de Charles Dickens avec sur scène et ce matin ici en direct 16 artistes, chanteurs, comédiens. Alors j'ai eu la chance d'assister au filage de ce spectacle il y a quelques jours. La salle Gaveau, pourtant jusqu'ici salle de concert de musique classique, s'est complètement transformée. Des lampadaires rectangulaires de style londonien sont suspendus dans les allées de la salle. Des triporteurs, des marchands ambulants, des habitants vous effleurent quand ils passent dans les allées à travers la salle. Et puis sur scène, lors du tout premier numéro du second acte, et la chanson que nous allons entendre, en fait le plateau est divisé en deux, dans le sens horizontal. En fait, en haut, vous avez l'intérieur cossu bourgeois de monsieur et madame Dumbly, c'est un couple à la recherche de leur fille qui serait ravie de recueillir l'orphelin Oliver Twist. Et en bas, la ville où monsieur Dumbly a envoyé Oliver Twist ramener un de ses livres. C'est Madame Bumbly, alias Catherine Arondel, qui introduit cette chanson de bon augure ce matin sur France Musique. C'est une belle journée qui a commencé. Je n'aurais pas pensé encore en passer, comme si la tendresse était une ivresse. En cette belle journée qui a commencé, c'est une belle journée qui a commencé, et le soleil d'hiver efface la misère, tous ces nuages moroses colorés en rose. En cette belle journée qui a commencé, interprète Oliver Twist, Catherine Arondel interprète Madame Dumbly et toute la troupe venue au complet, ils sont 16 au total, de Oliver Twist qui ouvre. Bonjour Shai Alon. Bonjour. C'est vous le compositeur? Oui. Bonjour Christophe Delarue. Bonjour Christopher. Christopher Delarue, vous êtes parolier. Absolument. Qui ouvre vendredi. Alors, on est à 5 jours de l'accouchement, comment vous portez-vous? C'est un vrai accouchement. Pardon pour l'accent. En fait, je suis israélien. Mais c'est charmant. Base. et ça fait 5 ans que je suis à Paris. Je ne veux pas raconter ma vie, mais... Mais si. Mais comment, alors, à 5 jours, comment vous sentez-vous? Parce que c'est un accouchement, la gestation a duré combien de temps? On parlait tout à l'heure avec la troupe de 31 de la création de cette comédie musicale. Vous avez démarré quand? Vous y avez pensé quand? Ça alors, fait 3 ans. On a commencé donc à écrire les premières chansons et livrer en juin 2013. Voilà. Donc ouais. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le livret et sur le spectacle qui a grandi au fur et à mesure. Pourquoi? Alors, on connaît sur la 42e rue, on connaît l'économie musicale, on connaît évidemment Oliver Twist qui a été adapté dans les années 60 par Lionel Barthes à Londres. Pourquoi revenir sur cette histoire? Pourquoi choisir cette histoire? D'abord, cette histoire m'a touché toujours, cette histoire de quelqu'un qui veut trouver une autre vie ou trouver le meilleur de ici, il veut trouver son père, mais en fait, il cherche aussi une meilleure avenir, c'est ça? Et alors, pourquoi avoir repris justement cette histoire? Alors, c'est donc comme il l'a dit, c'est un thème qui nous touche beaucoup. Et ce qu'on voulait rajouter justement sur cette histoire, c'est les relations surtout entre les personnages. Par exemple, donc dans la comédie musicale de Lionel Barthes, entre donc les enfants, le chef Egon, il n'y a pas réellement de relation ni rien. Et nous, on voulait vraiment rajouter toute cette vie en plus. Alors, j'ai pu assister donc au filage vendredi dernier et j'ai été surpris parce qu'effectivement, c'est une comédie musicale qui est tout à fait dans le registre de Broadway. Si, racontez-nous un peu votre parcours, Choy. Je suis né en Israël, fait beaucoup de comédies musicales en Israël. J'ai même gagné un prix de meilleur musicien pour les comédies musicales 2014. Et pendant que j'étais à Paris... De compositeur, hein? Oui, en d'accord. Fait. Et j'ai composé plein de comédies musicales en Israël. Et en fait, j'ai cherché vraiment d'enchaîner ma carrière. Et donc, il y a 5 ans que j'avais l'opportunité de venir à Paris pour faire Avenue Q. Et d'ailleurs, j'étais ici pour Avenue Q comme, mm-hmm. comme un assistant. Et voilà. Et cette passion pour la comédie musicale, elle est venue comment? En fait, mon rêve, c'était de devenir un chef d'orchestre pour l'opéra. Mais en fait, c'est la vie qui te prend quelque part. J'aime beaucoup composer, donc j'ai fait ça. Et alors, ce qui m'a surpris aussi, c'est que c'est donc une vraie comédie musicale avec un vrai livret. Christopher Delarue. Oui, bah c'était pour nous, c'est quand même très très important, ouais. Parce qu'une comédie musicale, ça vient quand même du théâtre, c'est une pièce de théâtre avec des chansons théâtrales, et justement, voilà, on pensait qu'à Paris, il n'y avait pas assez de comédie musicale comme ça, de création comme ça en tout cas, donc on a voulu essayer de défendre un peu cet univers qui nous, en tout cas, nous fascine. Avant vraiment commencer à travailler, ouais. Avec Christopher, je lui ai dit qu'il faut avoir une vraie pièce de théâtre qui tient la route, ouais. Avant qu'on rajoute vraiment les chansons. Parce que c'est plus important d'avoir une forme de théâtre. Et après, on dit, OK, cette scène, on va transformer ça d'une chanson. Parce que dans les vraies comédies musicales anglo-saxonnes, en fait, les chansons font avancer l'histoire. C'est pas qu'on arrête le spectacle, on dit, je t'aime, OK, et voilà, 4 minutes de chansons, on s'aime, voilà. Non, donc c'est pas comme ça. C'est pas comme ça dans les comédies musicales. Anglo-saxon. Alors on va continuer à découvrir en avant-première cette partition de Oliver Twist avec vous au piano, Shay Allon. On va découvrir le vrai voyou de l'histoire, c'est Bill Sachs, c'est un bandit, un brutal. Il est méchant. Voilà, il est méchant, il est vicieux, il est paranoïaque. Et il est ravi de savoir qu'Oliver Twist est hébergé chez un bourgeois, parce que voilà, on va pouvoir aller le voler un petit peu. Enfin, c'est une chanson qu'il interprète, dans laquelle il exprime ceci, et c'est un personnage qui est joué sur scène à la salle Gaveau par Arnaud Léonard, qu'on avait vu dans Le Roi Lion à Mogador, qu'on avait vu dans Les Parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet, et dans Voca People également à Bobino, une chanson qui s'intitule Fastoche, en direct sur France Musique. Je vais devenir riche sans plus tarder, car j'ai le passe-partout des maisons du quartier. Si une porte me résiste, le petit entre en piste. Ça va être fastoche, je vais m'en mettre plein les poches. Je Je vais devenir riche sans plus attendre. Toutes les astuces, je vais les lui apprendre. Si une porte m'embête, tu passes par la fenêtre. Ça paraît fastoche, et pas question de rater le coche. Je t'apprendrai tous les tours à grands coups de ceinture. Un chien pour qu'il écoute, faut le dresser à la dure. On mesure la valeur d'un homme à ses blessures. Me dis pas que t'as déjà les pétoches. Approche, sale mioche. Je vais devenir riche d'un jour à l'autre. Tous vos cadeaux demain seront les nôtres. Si une porte est fermée, ah, tu passes par la cheminée. Ça va être fastoche. Je vais m'en mettre plein les poches. Je m'en tape que le sang coule tant que l'argent suit son flot. Une balle dans le flanc et boum, à moi les dineros. 1000 balles du premier coup et je te tire mon chapeau. Je sens que ça va être fastoche avec le mioche. Les autres sont trop grands déjà. J'ai besoin d'un gosse comme toi qui passera ici et là sans ça. J'y arriverai pas. Tu vas venir jouer avec moi bien plus vite que tu le crois. Je te laisserai pas le choix, mon petit gars. Si une porte m'embête, tu passes par la fenêtre. Ça va être fastoche. Ça va être fastoche. Il s'appelle Arnaud Léonard et il interprète Bill Sachs dans Oliver Twist, la nouvelle comédie musicale qui va ouvrir vendredi prochain à la Salle Gaveau à Paris. Et maintenant, on va découvrir, à part Oliver Twist, peut-être le personnage le plus célèbre de ce roman de Charles Dickens. C'est Fagin, vous savez, c'est le chef d'un gang de voleurs près de ses sous. C'est David Alexis, grand habitué des comédies musicales passées par Avenue Q, par Cabaret, Le Bal des Vampires, l'an dernier La Légende du Roi Arthur, à Paris et en tournée en France, qui incarne ce personnage. Et je dois vous dire que sur scène, on a l'impression un peu d'avoir Louis de Funès, vous savez, dans l'Avare, quand il est en train de sortir sa cassette pleine d'or devant soi. Enfin, je vous laisse fermer les yeux et d'écouter, vous allez voir. C'est lui, David Alexis, sur France Musique. Oh, mon cher, mon tendre ami, oh, je sais que toi au moins, tu seras toujours là pour moi, hein, brillant et clinquant, le plus beau de tous. Des gens qui consomment, qui dépensent comme on dit. Bonjour. Fagin n'est pas de ces hommes. Il préfère mettre de côté pour ses vieux jours. Certains peuvent trouver ça monotone. C'est peut-être qu'il leur manque un brin d'humour. Ça vaut le détour, car en amour, Fagin, il n'est pas économe. Et si j'habitais dans un château tout beau, tout propre. Il me resterait une retraite plus que médiocre. À quoi bon payer? Pourquoi toucher à sa cagnotte? Fegen a trouvé la gâchette pour mettre tout l'amour qui lui reste. Et si je vivais comme un prince avant d'être vieux, je serais fauché. Crois-moi, Fegen serait malheureux. À quoi abandonner quand on ne sait que recevoir? Tu sais, pour moi, il est trop tard. Ma vie serait un vrai cauchemar. Les gens disent que je suis aveugle. Mais c'est pas vrai, il dit ça, mais c'est pas vrai. Il est des gens qui travaillent, qui bossent comme des fourmis à vie. Moi, avec ou sans marmaille, je m'en vais loin de cette ville où s'assombrit le ciel qui couvrait toutes ces canailles. Il est temps de voir ailleurs si j'y suis. Faut que je m'en aille avant que ça se chamaille. Sans bruit, je déguerpis. Chut. Et si j'habitais dans un château tout beau, tout propre, il me resterait une retraite plus que médiocre. À quoi bon payer? Pourquoi toucher à sa cagnotte? Fegen a trouvé la cachette pour mettre tout l'amour qui lui reste. Et si je sans avoir d'enfant, je pourrais garder pour ma pomme encore plus d'argent. À quoi abandonner quand on ne sait que recevoir? Tu sais, pour moi, il est trop tard. Ma vie serait un vrai cauchemar. Les gens disent que je suis avare. Ils pensent que j'ai peur du hasard. Mais cela parle sans savoir que d'avancer sans crier gare, c'est mon histoire. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Avec David Alexis qui vient d'interpréter À quoi bon dans la comédie musicale. Merci pour De Funès. Merci pour De Funès parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'adore. Quoi. Donc c'est un bel hommage. Vous êtes, je ne savais pas. David Alexis, vous êtes un grand comédien et je sais que vous faites énormément de recherches quand vous interprétez un personnage. Vous n'avez pas été voir ce film-là pour vous inspirer de lui, L'Avare, pour le personnage de Fegen? Non, je connaissais L'Avare, mais je ne suis pas allé le voir pour m'inspirer de Fegen. Mais, d'accord. Mais bon, je suis très touché en tout cas. Alors en tout cas, merci d'être là, David Alexis. Bonjour Nicolas Motet. Bonjour. C'est vous le rôle-titre, hein? En effet, c'est moi qui fera Oliver Twist. Vous avez quel âge? En septembre. Alors, je viens juste d'avoir 16 ans. Waouh, bravo. Vous êtes en quelle classe? Je vais rentrer en première. D'accord. Et l'an prochain, vous pensez que vous serez en terminale? Vous n'aurez absolument pas le temps de faire quoi que ce soit? Bah, quand même si, je vais travailler. Ça peut être une grosse aventure. J'ai quand même les cours à continuer. Donc, ouais. Je vais continuer à travailler quand même sur le côté. Racontez-nous un petit peu. Durant les filages, j'étais impressionné, effectivement. Vous avez la voix, vous savez danser, parce qu'il y a des chorégraphies dans cette comédie musicale. Quel est votre parcours à 16 ans? Comment Alors, êtes-vous arrivé là? Alors, j'ai commencé à prendre des cours à l'âge de 8 ans. Et depuis, j'ai continué à travailler. J'ai eu des expériences pour des plateaux télé où j'ai pu rencontrer des professionnels. Et puis, je vous dis que sur Oliver Twist, je suis vraiment entouré de gens... comme Prisca Desmarais, David Alexis et tout le monde dans la troupe a vraiment déborde de talent et d'expérience. Et c'est vrai que du coup, quand je suis débarqué dans la troupe, je me suis rendu compte que j'allais vraiment beaucoup apprendre et que ça allait vraiment être une expérience qui allait me faire évoluer. Et c'est vrai que depuis que l'expérience a commencé, j'ai vraiment chaque jour j'apprends, je tends l'oreille pour essayer d'avoir tous leurs conseils parce que c'est des vrais professionnels. Donc donnez-en nous un seul comme ça, par exemple. C'est par exemple c'est avant de monter sur scène, donc on se dit qu'aujourd'hui, on va jouer avec qui on est aujourd'hui, avec ce qu'on est, et on ne va pas penser au lendemain. Et on se dit que ce qui nous arrive tout de suite, comment on se sent tout de suite, c'est ça qui va nous rendre encore plus forts sur le personnage. Voilà, ça c'est un exemple. D'accord. Et quand vous dites que, parce qu'il n'y a pas vraiment de grande école de comédie musicale en France, quand vous dites que vous avez appris la comédie musicale depuis l'âge de 8 ans, vous avez appris ça où ? Alors, je l'ai fait par l'intermédiaire d'une école qui s'appelle l'ICOM. Et puis après, bah, j'ai suivi des formations avec différents professeurs. Voilà. Prisca Desmarais, bonjour. Bonjour. Alors vous jouez Nancy, vous êtes la gentille de l'histoire. Et avec David Alexis, vous avez la particularité d'être sur le projet depuis le début. C'est-à-dire... Ouais. Moi, ça a commencé par un apéro. C'est-à-dire Ça a commencé par un apéro avec Chai et Christopher qui m'ont dit « Viens, on a quelque chose à te faire écouter ». Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux t'asseoir? Et je, non, c'est bon, j'avais ma bière à la main. Et puis, j'écoutais, et là, j'ai fait, non, je vais m'asseoir. Et c'est une histoire d'amour depuis 3 ans, voilà. Alors, on parlait tout à l'heure avec la troupe de 31 du processus de création. Est-ce qu'en 3 ans, le scénario, David et Prisca, a changé? Et vous, parce que vous avez l'habitude des comédies musicales, Prisca. L'an dernier, vous chantiez Memory sur la scène de Mogador dans Cats. Est-ce que ça a évolué? Ça a complètement évolué. Et ce qui est fantastique, là, c'est la première fois qu'en fait, je participe à une vraie création de cette taille en plus. Et en fait, chaque chose est à créer, chaque chose est à faire. On nous donne, par exemple, un nombre de costumes, un chapeau, un manteau, un foulard et des bottes, etc. Et c'est débrouille-toi avec ça sur ton personnage. Quand on arrive dans une création de Broadway, on sait exactement ce qu'on doit mettre à quel moment et où on doit aller à quel moment. Là, tout se crée. Chaque geste envers Fegen, envers Sax, envers n'importe qui de la troupe est créé. Donc on est en train d'ouvrir un chemin et qui, j'espère, ira très très loin. Moi, je pense que ça peut passer les portes de la France, ça. Oui, c'est vrai. Tout est porté par un sens, en fait. Chaque geste, j'aime pas tellement dire ce mot-là, mais parce que le théâtre n'est pas que geste, mais tout est porté par le sens. C'est-à-dire que quand on est sur un plateau, qu'on dise quelque chose, qu'on ait un monologue ou qu'on ait rien du tout, même la moindre silhouette, et c'est pas péjoratif du tout, porte sens au spectacle. Donc ça, c'est à prendre vraiment pour toute l'équipe et tous les autres projets, tous ceux qui nous écoutent. Chaque rôle sur scène est important, quelle que soit la dimension des répliques. Alors on va continuer à découvrir cette comédie musicale et on va retrouver un autre habitué de la comédie musicale à qui on a donné une carte blanche. Oh, c'était il y a 7 ans sur la 42e rue de France Musique. Vous voyez, ça fait quelque temps, mais on l'a vu notamment dans Hairspray, on l'a vu dans la troupe de Laurent Pelly il y a quelques années aussi. Il s'appelle Gilles Vajoux et c'est à lui qu'incombe le rôle du gentil de l'histoire, finalement, si je peux dire ça comme ça, Monsieur Dumbly, non, qui recueille Oliver Twist, sauf qu'au moment, on peut dire ça, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Brownlow. Brownlow. Brownlow. C'est lui gentil. D'accord. C'est Brownlow. Très bien. En fait, Cathy et Gilles, ils font deux rôles. On vous entend pas. Hein. Ils font les Dumblys et après, ah, voilà, depuis tout à l'heure. Parce que Gilles joue deux rôles. Très bien, très bien. En tout cas, vous êtes le bourgeois. Vous êtes très gentil. Vous recueillez Oliver, sauf que vous tirez dessus sur lui lorsque vous faites cambrioler. Donc c'est un petit peu moins sympa. Mais on va écouter tout ça, puisque c'est une chanson, en fait. J'ai fait l'irréparable ce soir. Mes pensées, mes remords se bousculent, mais il est trop tard. Vois aujourd'hui comme mes mains tremblent de froid, il me semble. J'ai commis l'impensable ce soir. Jamais je n'aurais cru en être capable, mais je plaide coupable. Dis-moi qui est cet homme dans le miroir. Tout change à présent, rien n'est comme avant. Même la terre m'entraîne dans sa ronde à l'envers. La vie a perdu tout son sens en ton absence. Tout est différent, la notion du temps s'envole plus loin au fil des ans. Reviens-moi, Agnès, reviens-moi comme avant, ma fille, comme quand le soleil semblait plus brillant, comme quand l'avenir paraissait plus grand. Comme quand je n'avais pas tiré sur un enfant. Mmh. Gilles Bajou, Irréparable, extrait de Oliver Twist, la comédie musicale, à partir de vendredi à la salle Gaveau. Christopher Delarue nous l'expliquait, dans cette version d'Oliver Twist, l'accent est mis sur les interactions entre les enfants, les pickpockets. Ils ont leur chanson. Une chanson où les pickpockets de Fagin racontent à Oliver tout ce qu'ils doivent à ce Fagin, tout en faisant des acrobaties et des danses. Une chanson qui s'intitule « Grâce à Fagin ». J'avais 8 ans quand mes parents sont morts de la peste. Ces marques sur mes bras, c'est le seul souvenir qui me reste. J'étais certaine que mon heure arrivait à grands pas. J'avais déjà mis un pied dans la tombe, manquait pas grand chose pour que je tombe. Moi, mes parents avaient un petit penchant pour l'alcool. Alors tous les soirs, c'était des pleurs, des cris, des dorgnoles. Je me suis enfuie sans le moindre péril. J'irai seule dans la nuit sans abri. Mais grâce à Fagin, on est toujours en vie. Mais comment vous pouvez encore lui faire confiance alors que vous savez très bien qu'il sert de vous? Même s'il est juif et radin, il a le cœur sur la main, c'est certain. C'est un sale voleur, oui. Il nous nourrit, il nous donne des habits et un lit. Tout sympa comme voleur, tu trouves pas Oliver? Il ne frappe pas quand il boit, pas non plus quand il ne boit pas. Donne-lui une chance, puis fais-lui confiance, tu verras. Même s'il est vil et malin, c'est certain, Fagin est un mec bien. La nourriture, des chaussures et des boucles à nos ceintures. De beaux manteaux, des bibes et des chapeaux, tout ça grâce à Fagin. On gagne de l'argent en s'amusant. Mes deux parents sont des gens importants et très riches. Deux avocats qui possèdent trois maisons, une péniche. J'étais peinard, j'avais tout et même plus qu'il me fallait. Mais ces bâtards, sans le moindre procès, ont choisi de m'abandonner. Moi, mes parents auraient voulu avoir un garçon. Que j'avais pas ce qu'il fallait dans le caleçon. Ils m'ont frappé, j'ai été abusée. Ils ont même essayé de me noyer. Mais grâce à Fagin, on leur a fait payer. Si la police nous arrête, il aura toujours un plan dans la tête. Une évasion, une carte sortie de prison sans caution. On peut faire les 400 coups sans finir sous les verrous. Il pense à tout. Non, il pense à nous avant tout. Même s'il est vil et malin, c'est certain, Fagin est un gars bien. C'est pas le genre de mec qui t'abandonne à ton sort sur un coup de tête. T'auras toujours une famille, dis adieu à la famille. Grâce à Fagin, elle est déjà loin. La vie d'orphelin, tu peux lui faire confiance. Rassure-toi, il a de l'expérience. Dans ce jeu-là, tu trouveras pas mieux ailleurs. Pas de crainte, plus de peur, tout ça grâce à Fagin. Marina Pango, Sébastien Walter, Théa Anceau, Jennifer Barré, Juliette Béard, Xavier Écari, grâce à Fagin, un extrait de Oliver Twist, la comédie musicale qui démarre vendredi, et c'est aussi vendredi que vous pourrez acheter l'album. Grand merci à toute la troupe d'Oliver Twist d'être venue ce matin au complet. Mise en scène de Ladislas Chola. Et merci à toute la troupe de 31, la comédie musicale, d'être venue ce matin. L'émission est disponible en podcast, à la réécoute. Et elle a été filmée. Vous pourrez la voir très vite sur francemusique.fr. Notez le 30 octobre, prochain cabaret 42e rue avec la troupe de l'Opéra de Paris, nouvelle version signée Jean Lacornerie. Et la semaine prochaine, nous recevrons un géant de Broadway, Harold Prince, créateur de West Side Story, cabaret, compagnie, Sweeney Todd. N'en jetez plus, vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière avec ce matin à la technique Jean-Louis Deloncle, Émilie Couet, Éric Villenfin, Jean-Benoît Tétu, Maïwenn Legéan, Martine Moni, à la réalisation Martine Perrine Mingui.